3B. L'été est enfin là et vous vous préparez peut-être à partir en vacances. Un conseil, comptez combien vous êtes avant de partir. Un père de famille qui, sur l'autoroute du Sud, s'était arrêté faire le plein à une station-service est reparti en oubliant ses deux enfants aux toilettes. Interrogé au commissariat local, il a déclaré, confus, qu'il avait une année difficile et que le fait d'avoir enfin des vacances ainsi que la chaleur l'avait perturbé. Deux individus soupçonnés d'appartenir au gang des portables, cette association de malfaiteurs qui terrorisait les habitants du 13e arrondissement de Paris en attaquant ceux qui téléphonaient dans la rue, ont été arrêtés dans une boutique de téléphonie. Au cours de la soirée, cependant, ils ont été remis en liberté faute de preuves. Pas de nouveaux développements sur l'affaire des dossiers piratés de la CIA. Le porte-parole de la CIA a confirmé hier que certains dossiers avaient effectivement été piratés, mais que pour l'instant qu'une piste n'était privilégiée. Il a cependant démenti la rumeur qui accusait un agriculteur bhoutanais. L'histoire parfois nous joue des tours. Christine Charland a été surprise hier de recevoir un paquet par la poste. Il contenait les lettres que son arrière-grand-père avait envoyées à sa femme pendant la Grande Guerre. Mort à Verdun, Jean-Christophe Charland n'avait jamais connu son arrière-petite-fille qui s'est déclarée très émue par l'envoi de ce colis inattendu. Le touriste qui avait tenté de casser la vitre protégeant la Joconde au musée du Louvre hier a prétendu qu'il avait agi par amour et jalousie. Il ne supportait pas de laisser s'exposer au regard de tous celle qu'il appelle la femme de sa vie. Toujours pas d'explication pour les traces circulaires inexpliquées remarquées dans la campagne corrézienne près de Cluzet et qui étaient devenues un sujet de spéculation ces dernières semaines. En effet, aucun nouveau témoignage n'est venu s'ajouter à celui de ce couple qui affirmait avoir vu un ovni survoler la région.